des ciseaux de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est des palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 6 au 12 février 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, Jasmine Raymond-Drainville. Oui, Jasmine Raymond-Drainville qui parle sur un ton beaucoup plus calme que moi. Oui. Ça va. Faut être zen, oui, ça va. Faut être zen et faut relaxer, respirer par le nez. Wow, wow, relax, mange pas tes bas. Boire du thé. Boire du thé avec de l'eau chaude. Mais... de la chasse-galerie. Oui. Merci à la chasse-galerie pour l'eau chaude. Merci beaucoup. Merci. Donc aujourd'hui à l'émission, à part les instants classiques d'assemblage requis et tes comptines. Oui, comptines mes de premières Jasmine. Comptines. Oui, officiellement. Oui. Hein, parce que t'en as fait une il y a deux semaines, mais c'était pas officiel encore. C'était une comptine spontanée. Oui. Là, elle a été réfléchie. J'ai pas encore choisi lesquelles je vais faire jouer, étant donné qu'il y en a beaucoup trop parmi lesquelles je peux choisir, mais voilà, on ira tantôt avec l'émotion. Du Of Montreal. Oui. Voilà, c'est dans les comptines de Jasmine tout à l'heure. Mais avant ça, on va débuter par nos nouvelles entrées. On a 6 Sagos, Elliot Brad, Las Capacitos, Islands et Plants and Animals. Mais on va débuter en 20e position francophone. Avec Gasoline et la pièce Gasoline, tirée de l'album Des Francouvertes, 16e édition. Ça rock. Ça rock en tabarouette. C'est toi qui joues, hein? Dis-le. Toute la chanson, c'est ma bouche, gars. Pareil. Même si tout le monde le sait, elle n'écoute pas, elle ne fait que t'avaler. Mais moi j'y vais, la tête est les yeux baissés. Mais moi je veux m'arrêter d'y penser. Si je lui donne mon cœur, elle volera mon bonheur. Car moi je ne suis qu'un autre garçon. C'est quoi son nom? La fille dans le fond, c'est Gasoline. J'peux pas dire non, c'est tellement bon. try it again, just to give it a second chance. But it tore out my soul, passed out, crashed out on a mat. And that was the end of that. Lately, I've been such a drag, all down in the dumps, man, moping and dragging my feet, coping with a life of luxuries, focus on my defeats, and all the things it sucks to be, like the great one said, it's a crockroach crowd, it's, and that was the end of that. Don't go. No. You distract me so. You make it so easy to hide in the scenery, in your vintage jewelry, like some fucked up bumblebee heading for the potpourri of the ladies' room. Don't go. You turn me on so with your bee sting lips and your pepper grinder hips, like a thread and a needle. We're just typical people. We're hoping to be friends, do cool stuff, and be equal. I think that's where it's at. Can we just say that that, oh, was the end of that? Yeah. Or was the end of that? Thank you. sur la ligne soulève les corps de chambre. Alors je fais du café et je vais me recoucher. C'est à l'envers que j'y crois, le velours sur tes genoux, le velours sur tes genoux. Fille, je les regarde jaloux. Au loin, la mer te courtine. C'est un navire qui s'enlise. C'est un navire qui s'enlise. Numéro 19. Nouvelle entrée. La formation Allens et la pièce Always sur l'album Sleep and a Forgetting, c'est le premier extrait de ce tout nouvel album-là de cette formation Canadian Islands. Et juste avant, c'était Sago avec la pièce Piano Mal de son dernier album, de son premier album en fait, qui est sorti mardi dernier. Sago membre de Carquois, hein, c'est ça? C'est ça. Ben en fait, mardi, une semaine et demie. OK. C'est ça. Donne-moi une date exacte, non, c'est pas vrai. C'est un peu mardi le 31 janvier. Ah, excellent. Oui. Merveilleux. Avant ça, on a entendu les 20e places en anglo, Plants and Animals avec The End of That. C'est la pièce titre de leur plus récent album. Et en franco, c'était Gasoline avec la pièce Gasoline, qui, dans le fond, qui est un groupe qui participe au Francouvert cette année. Oui, ils vont être en spectacle le mardi 20 mars. C'est au Lion d'Or, je crois, exactement, à Montréal. Avec Joel Brochet et Clerk. 7$. 7$, pas cher. 7$ par soir. Pas cher. Ça vaut vraiment la peine. Il y a combien de soirs là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soirs. Mais la semaine prochaine, il y a Antoine Corriveau, qu'on connaît quand même, qu'on connaît. Oui. Avec aussi, je pense que Simon Kingsbury, qui est très cool, qui est dans plein de groupes, lui aussi. Puis, c'est ça. Oui, et l'autre, c'est Sarah Toussaint Léveillé. Je la connais pas. Moi non plus. Moi non plus. Il faudrait qu'on écoute cet album-là en ondes, à un moment donné. Je l'ai écouté hors onde. OK. Pas grand-chose m'a attiré tant l'oreille, je te dirais. OK. Donc, ça me donne un petit peu moins envie de le faire jouer. Mais on va essayer. Normal. Ça sent bien. Donc, voilà pour ce bloc de 4 nouvelles entrées. Nous en reste encore 2, donc on va rester en anglophone pour ce prochain bloc. On va l'entendre plus tard, Elliot Broad, en position 17 avec If I Get Home. On va commencer par la 18e place. Du côté francophone? Non, anglophone. Non, anglophone, excusez. Oui, Lost Empathy, là, c'est avec une nouvelle entrée qui est Songs About Your Girlfriend. Ah ben, Colin, hein? J'ai hâte d'entendre. Et je dédie ça à toutes les copines dans la place. Non, c'est pas vrai. C'est... Ben, écoute, il y en a pas. C'est la tendresse, hein? Il y en a pas. Malaise. Pas tout. Du tout. Mais ben non. Mais non. Mais non. Mais non. Ben non. Ben non. Dans ta tête, le malaise. Oh. Quoi? Ben, je commence à aimer ça, des malaises dans ma tête. Là. Ouais. You do not like your scars. Your girlfriend likely does. And all your friends agree on her soft spot for me. I have my hot hands over her soft spot. Soon you will see. List of all the favorite bits. The next time I am free, quite comprehensively, I will scroll them all down for you as an apology. Tell you the times we shared that both have been repaired. Seem to survive old jokes of once again being stoked, but with a different girl. Funnier now they've been rehearsed. All night how I knew every word. So we were in a rush. Get stressed along the road. And buried under all they've come to know. Living fast. This wilderness won't last. These days just blow away into the past. If I get old, I'm living easy. Find a nice old country home. Let the land do what she wants to. Leave her wild and overgrown. And when I'm sure my days are numbered, find a nice place in the fields. And thank that little voice inside my head for such good company. Elliot Broad et If I Get Old, nouvelle entrée en 17e place du côté anglophone. Et en 18e place, c'était Los Campesinos avec Songs About Your Girlfriend. Oui, plusieurs chansons, hein, t'as entendu? Songs. C'est comme une chanson qui en comporte plusieurs, je pense. Ça a passé comme... c'est quoi l'expression, là? On s'en est pas rendu compte. Non, c'est ça, des poupées russes. Hein? On se rend pas compte des poupées russes parce qu'il y a plusieurs poupées dans une poupée. Tu comprends? Aïe, je suis surprise, Charles Lafortune, je m'attendais vraiment... Non, pas du tout, je m'attendais pas à... C'est pas comme du beurre dans le poêle où ça passe comme une lettre à la poste. Oui, c'est ça, exactement. C'est un ça. Cheveu dans un jeu de quilles, c'est ça, pareil. Ça. Donc, on a sauté par-dessus les 17 et 18e places francophones. En 18, on aura entendu Das qui descend de deux places avec Armée. En 17e, on la saute aussi, là. Oui. C'est ça que tu viens de dire, parfait. Exact. Donc, on passe par-dessus Funambule et Tel un naufrage qui repart tranquillement, là, qui passe de la 8e à la 17e place dirigée. Ben oui, mais ça fait 9 semaines que c'est là, faut bien que ça descende à un moment donné. Sa chance à d'autres. Et voilà. On va aller au 16e place du côté anglophone. Ce sera Steve Hill avec It Ain't Cool qui descend de la 9e position. Et du côté francophone, Les Surveillantes avec la pièce La Force de la Gravité qui descend de 5 places. Est-ce que tu te rappelles de l'équation? 1 plus 2 plus 9. 1 plus 2 plus 9 égale je sais plus quoi, là. C'est la racine carrée du cœur. C'est ça. Oh, c'est cute. On l'écoute. J'ai calculé la force de la gravité qui existe entre nous. Un mètre l'un de l'autre, mes grands calculs m'ont donné 2,2979794899 fois 10 exposant moins 7 newtons. classe de physique, j'ai réalisé qu'Isaac Newton était un romantique avec sa théorie de la gravité. Et pourquoi nos deux corps se sont attirés? Ce n'est pas une pomme qui lui est tombée sur la tête, c'est plutôt un coup de foudre au fond de son être, rêvant tout doucement à ce grand mystère. La réponse lui est venue dans ses calculs. J'ai calculé la force, la gravité qui existe entre nous à un mètre de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,297794899310 exposant moins 7 newtons. J'ai calculé que la force, la gravité qui nous pousse l'un à l'autre pourrait être augmentée si on s'approchait. Qu'est-ce que tu en dirais si on s'approchait? La gravité s'aggraverait. Je veux renommer cette théorie, lui donner un nom bien plus joli pour décrire cette force sublime qui pousse les gens à faire des folies. Comme une pomme qui me tombe sur la tête, je ressens la foudre, je ressens ton éclair illuminé. Je me laisse aller à cette force plus grande que la gravité. J'ai calculé la force, la gravité qui existe entre nous à un mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,297794899 exposant moins 7 newtons. Pour être augmenté si on s'approchait, qu'est-ce que tu en dirais si on s'approchait? La gravité s'aggraverait. Moi, j'en retiens juste l'exposant moins 7 newtons là-dedans. Grosse formule compliquée, là. Restez là au retour. Steve Hill, Jezebels, Cœur de Pirate et les Cowboys Fringants. On peut même rester fou, hein? Ben oui. Ben. C'est encore ça. Exposant moins 7 newtons. J'ai vraiment ça dans la tête, là. Je me chante. Exposant moins 7. Plus ça, là. Oui. Ça porte une reste, hein? Normal. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Toujours pas mal, c'est fou. Jasmine vient de trouver les paroles de la chanson La force de la gravité. Oui, je voulais vraiment savoir le calcul. Mathématiques de l'amour? Ben oui. 2,297979489 fois 10 moins exposant moins 7 newtons. Tu l'as pas chanté, chante. Non, non, je me rappelle plus. Ça, je me souviens plus. Bon, tant mieux. Je pense qu'on t'est rendu à Steveville. On écoute oui. À l'instant. On pas mal, c'est fou. 89.1 FM, mais Colin, hein? Numéro 16. C'est pratiqué mes exposants. Il est cool. Très bien. Every time you look Evil avec It Ain't Cool en position numéro 16. Ça descend de la 9e place et c'est là depuis 7 semaines. Et juste avant, c'était Les Surveillantes avec La Force de la Gravité, dont je vous ai exposé le calcul il y a une toune, finalement. Le mystère a été révélé. Voilà, donc qui passe de la 11e à la 16e place et qui est là depuis 4 semaines. Et les paroles en anglais aussi, en traduit. Oui, j'ai trouvé une translation. Yeah? Yeah, je l'ai perdu, j'ai fermé la tête. Bon, le 2 point quelque chose. Les chiffres, c'est la même chose. Minus 7. 2.929284, c'est ça. T'es proche, quand même? Oui. Voilà pour les 16e places. On va aller en 15e à l'instant. Question d'entendre de Jezebels et Endless Summer qui descend de 4 places. Ils nous entendront aussi Cœur des Pirates avec Golden Baby qui descend de 6 places. Alors, on entend beaucoup cette pièce-là en ce moment. C'est fou. C'est une pièce qui joue beaucoup. Donc, elle va monter dans le palmarès d'ici la semaine prochaine, je le garantis. Je pense. Nous lui souhaitons. Ben oui, Cœur de Pi. Yay, vous êtes au palmarès, c'est fou. Le Crazy Countdown. Non, c'est le final countdown. On commence pas à comparer ça. Oups. Oh, t'es dehors en passant, c'est ta dernière émission. Comment? T'as mentionné final countdown, c'est ta dernière émission. Comment ça? Je t'ai vu d'un œil solitaire, le pied dans l'arène pour te plaire, et briller au regard que j'ignorais. Mais tiens, qu'on t'aime plus que les autres, même si tu ne t'en rendais pas compte, et j'aurais tout fait pour connaître tes fins. Golden baby, c'en est assez de courir te faire désirer en ces lumières qui donnent vie à nos nuits. Golden baby, c'est tout pour plaire, en ton silence tu restes fier de croire en ce qui n'existerait pas. For your never-ending wait. just hold my hand, yeah. I get numb, I feel no one understands. The Jezebels et Endless Summer qui descendent de 4 places en 15e position anglophone. Juste avant, du côté francophone, c'était Cœur des Pirates avec Golden Baby qui descend de 6 places. Mon baby est aussi mon father. Mon enfant est aussi mon père. Et mon oncle et mon petit-fils. Tout ça en plus d'être mon meilleur ami. Tu m'as trompé avec mon cousin qui est aussi mon notaire. Beau frère. Ah, c'est des téléromans, on parle de téléromans. Des jours et des vies, je regardais ça hier, pas à TVA, évidemment, je regardais pas TVA. Quand même, là. Mais dans une clinique, il y avait une télé qui jouait des choses et des vies. Des gens qui se regardent pendant 2 minutes, il n'y a absolument aucun texte, c'est juste un qui regarde l'autre, l'autre qui regarde l'autre. Et des acteurs qu'on verra jamais ailleurs, c'est qu'on n'a jamais vu avant non plus, leur seul rôle en carrière. Mais c'est ça la fin, c'est pas besoin de faire de parodie comme chose, Marc Labrèche. Le cœur a ses raisons. Parce que c'est déjà une parodie, c'est ça qui est le fun. Le cœur a ses raisons, c'était excellent. Ouais, je sais que c'est excellent. Je tiens à le mentionner. Mais en passant, des choses et des vies, c'est aussi excellent dans le même genre. J'ai jamais entendu honnêtement avant que tu m'en parles. Je tiens pas vraiment à savoir. Voilà. Donc, on est au Palmarès. C'est fou en passant. Une émission qui aime les choses de qualité, comme vous le voyez. Hein? C'est ça? En musique. Voilà. En musique. Donc, du côté anglophone, on va entendre Duchesses et Wood Pigeon dans le prochain bloc, mais on débute en 14e francophone. Avec les Cowboys Fringants et la pièce télé qui est là depuis 2 semaines et qui monte de 5 places. Puis on va sauter par-dessus Salomé Leclerc et la pièce Ne revient pas qui est là depuis 10 semaines quand même. C'est la plus vieille des palmarès en ce moment, Salomé Leclerc. Pas la plus vieille en termes d'âge, mais en termes de semaine. Elle est toute jeune. Oui. Toute jeune et fringante. Puis bonne. Ça, c'est Cowboy. Chacun son qualificatif. Hein. Salomé est clair déjà. C'est Leclerc. Clerc. Et clair. Ben, un clair, tu sais, c'est comme dans l'église, là. Oui, oui. Un clair. Ouais. Je sais pas si. En fait, ça doit pas exister au féminin, là. La clerche. La clerche. La clerche. Ouais, comment ça que c'est pas Salomé la clerche, là? Je comprends pas. Mystère. Ça sonne mal. Non, arrête donc. Chialeuse. D'elle dans les magazines ou un bois de cocktail au fond d'une limousine. Y'a des photos coquines qui circulent sur le net. Elle a les seins épines, pis elle a pas de bobette. Mais on sait pas. C'est qui ça? C'est bien vrai, chaque fois qu'on la voit, on sait qu'on la connaît, mais on sait pas pourquoi. Tant que c'est qu'elle joue une télé-réalité, un film de série B ou même encore TV. On sait pas. Mais toujours là, qu'on en parle bien ou mal, l'important c'est qu'on en parle. Moi je veux passer à la télé, moi je veux que tous les gens me voient. L'important c'est que je fasse parler de moi. Moi je veux passer à la télé. Moi je veux que tous les gens me voient. L'important c'est que je puisse parler de moi. Sa vie est à l'heure des communications. Elle est un livre ouvert, elle veut de l'attention. Et quand elle est sourde, elle perd un peu la voix. Elle écrit des horreurs sur son compte Twitter. Pense tout à la loupe, ses problèmes de dos. Ses histoires de couple comme dans un mauvais son. C'est jet set. C'est glamour. C'est vrai, vrai, chaque fois qu'on la voit. On a de l'intérêt, mais on sait pas pourquoi. C'est comme une tragédie, c'est comme un accident. Qui fait qu'on ralentit pour voir s'il y a du sang. C'est jet set. C'est morbide. On en parle en bien, en mal. L'important c'est qu'on en parle. Moi je veux que tous les gens me voient. L'important c'est que je fasse parler de moi.

numéro 13. Duchess 16 et Narcisse qui montent de 6 places en 13e position. C'est seulement sa deuxième semaine, donc c'est une nouvelle entrée la semaine passée. Hey, si vous voyez, Mathieu se dandine ici. Bon, il aime ça. On regarde ça pour nous autres. Il aime bien ça. Ouais. C'est ça. Mais avant, on a écouté les Cowboys Fringants avec Télé. C'était en 14e place, dis-je, et la semaine dernière en 19e. Puis on est passé par-dessus Salomé Leclerc en 13e place, ce qui a descendu de 3 places avec sa pièce Ne revient pas. Oui, et donc avant ça, si on comprend bien, on a entendu Wood Pigeon au début du bloc avec Four Paolo, la pièce de leur plus récent album. C'est une nouveauté de la semaine passée. Voilà. Ouais. C'est la fin de la première heure. On se retrouve tout à l'heure avec Wilco, Monogrenade de Darcy's, Bravo Funken et Les Comptines de Jasmine. Oui! Yay! Yeah, c'est nouveau ça, fait qu'il faut s'exciter. Oui. On est nerveux au bout. On claque des doigts. Vous êtes assez fou pour l'écouter. À peine le temps de se virer de bord, qu'on est déjà de retour au Palmarès des Fous pour la semaine du 6 au 12 février 2012. Elle, c'est notre amie Jasmine Raymond-Dréville. Et notre ami Mathieu Plante. Ouais, ça y est pas, là. J'essaie de trouver un autre mot, mais je suis pas assez spontanée. Ah, Colin. C'est ça. Ça va venir. L'improvisation, talent d'improvisation. Écoute, déjà juste de... Je suis en train de penser à ça, juste de faire les calculs mentaux pour, tu sais, les... En tout cas... Ouais. Pour, tu sais, mettons que je vois que la semaine passée, il était en 10e, puis là, il était en 13e. J'ai de la misère. J'ai de la misère à savoir s'il faut que je dise s'il descend ou s'il monte, tu sais. Mais je vais m'y habituer. Ouais, oui, c'est correct. Comme t'as trouvé la racine carrée du cœur tantôt avec... 2,29797984977, là. Moins 7 exposant à Newton. Non, fois 10 exposant à moins 7. Excuse-moi. T'as raison. Donc, ça remonte à loin, cette blague-là, mais quand même. Position numéro 12, du côté anglophone, c'est The Darcy's avec Josie, qui monte de 3 places sur leur album Aja. Aja ou Aja? Aïe. Tu sais, les Mexicains, des fois, c'est comme des jalapenos. Ouais. Ben, une semaine sur deux, change la prononciation. Ah. Le reste, on soutient. Pour être sûr de satisfaire tout le monde. OK, parfait. Du côté francophone, en 12e place, ce sera Bravo Funkin avec la pièce Zombie, qui passe de la 5e à la 12e. Pas de calcul mental à faire. C'est facile, dans ce temps-là. Ouais. Descendre de 7. Restez là. Tout à l'heure, on fait les comptines de Jasmine. Oui, je les ai choisis. Apporte un chandail avec son groupe dessus. Je peux comme pas m'empêcher de regarder là, mais en même temps, c'est sa poitrine en même temps. Bon. Je me sens bizarre. Là, bon, c'est pas grave. Hein? Tu parles de l'idée de mettre le nom du groupe directement là. Hein? Ouais. Je profite de ma seule fois où je vais pouvoir regarder là. Ok, j'arrête ça. On s'en tient. Ridicule. On arrête. Numéro 12. C'est aussitôt qu'on dit qu'on va revenir par-dessus parce que c'est tellement long et qu'il se passe tellement rien que c'est ça que ça recommence. Ça recommence. Mais bon. C'est quand même bon, mais je te jure, il se passe pas grand-chose dans le milieu. Hein. The Darcy's avec Josie, position numéro 12, ça monte de 3 places, c'était nouveau il y a 3 semaines. Et juste avant, c'était Bravo Funkin avec Zombie qui passe encore de la 5e à la 12e place. Ça passe très bien en fait du Bravo Funkin. Oui. C'est bon, j'ai hâte d'entendre l'album au complet. Oui. Tout à l'heure, on entendra Monogrenade et Wilco. Mais avant ça, c'est le moment qu'on attend parce que, à un moment donné, c'est nouveau, ça, non? Les comptines! Tout nouveau, c'est des comptines de Jasmine, puis ça, ben, ça veut dire qu'il faut qu'on claque tous des doigts ensemble, attention. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais une. Les comptines de Jasmine! Clavier-toi. Bon, ouais, c'est assez d'intro. Hein. Donc, Jasmine qui nous présente un groupe de musique ou de la musique qu'elle a dans son iPod ou différents appareils lecteurs MP3 à chaque deux semaines. Oui! Oui! J'alterne avec Justine. Exactement. Justine, Jasmine, c'est déjà mêlant comme ça, mais habituez-vous parce que ça va le continuer pour tout le reste de la session. Nous, on est habitués, en fait, là. Ok, oui. Je pensais que tu me disais ça à moi. C'est toi qu'il faudrait qu'il t'habitue. D'habitude, je parle au public, tu sais. Mais oui, je sais. Salut, public. Ça va? Ouais. Ouais. Voilà. Donc, cette semaine, je vous parle de ce qui est pas mal mon groupe préféré, pour vrai, là. Au complet de la vie, là, t'es presque. Ben, presque. Parce qu'on sait que tu abuses du mot pref dans la vie, t'as beaucoup de pref. J'aime beaucoup de choses, mais c'est pas mal mes prefs. C'est correct qu'il y avait beaucoup de choses. C'est vraiment beaucoup mes prefs, même. On va dire c'est qui? C'est Of Montreal. Oui. Donc, c'est un groupe qui existe depuis 1997. Ils ont ils ont 11 albums à leur actif. Le dernier étant sorti avant-hier. Puis voilà, 11 albums studio. Ils ont 6 albums aussi de compilation. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces. Il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, le membre fondateur du groupe s'appelle Kevin Barnes. Sûrement que... En fait, je nommerai pas toutes les personnes qui ont composé et qui composent encore le groupe parce qu'il y en a... Il y a autant d'anciens membres, en fait, que de membres présents. Que de gens dans la ville de Montréal, mettons. Non. Ouais, mettons. Mettons. Ouais. Mais faut dire que ça n'a aucun sens avec Montréal, aucun lien non, avec Montréal. Ils vraiment. Ne viennent pas de Montréal, ils viennent de d'une ville en Géorgie dont j'ai. De Athènes? Athènes. Athènes! Athènes en Géorgie. Voilà. Ça, Athènes comme nom de ville. Hein? En Géorgie. Ouais. Et non Athènes en Grèce. C'est ça. Et donc, voilà, le nom du groupe, c'est que ça provient d'une banale histoire amoureuse qui s'est mal terminée entre Kevin et une fille de Montréal, tout simplement. Puis, sur le premier album, paru en 97, qui s'intitule Cherry Peel, il y a une chanson, justement, qui s'appelle Montreal, qui explique... C'est un peu triste, comme il me semble, de choisir un nom de groupe en fonction de ton ex. Ouais. Il me semble, à chaque fois que tu dis ton nom de groupe, tu y penses, c'est ça te fait... Tu dis « Pouette, pouette », j'ai échoué lamentablement, pouette. Puis elle n'est même pas. C'est souvent ça, hein? J'imagine « Pouette, pouette, pouette », c'est ça. « Pouette, pouette », on dit tout le temps ça. C'est une expression commune. Quand même. Ben, c'est ça, finalement. En tout cas, ils ont vraiment beaucoup d'albums. Au départ, là, quand on commençait, c'était plus un guitare-voix, là, assez indie-rock, là, si on veut. Puis, plus le temps avance et plus le temps avance encore, plus il y a d'instruments. Le temps n'arrête jamais, en fait. Non, eux autres, ils arrêteront jamais, là, je pense. On est encore tout jeunes. Puis, ben, c'est ça, dans le fond, plus ça avance, plus ils utilisent des sons électroniques. Même, il y a même de la flûte, là, sur le dernier album qui a rapport, là. Mais, tu sais, si on compare avec le premier album, ça fit pas tant que ça. Ouais, en tout cas. Dans le décor. Donc, en tout cas, c'est un... Le groupe petit psychédélique, électro, plein de choses. Là. C'est tout sauf du rap, là, finalement. Non? Donc, c'est vraiment un mix de plein et de choses. Et on est bien contents, d'ailleurs. Oui, quand même. Donc, comme je disais, je nommerai pas tous les membres parce qu'ils sont trop. Bras, jambes. Oui, tout ça. C'est ça. C'est ça. En tout cas, pour vrai, là, je sais pas trop quoi dire là, sur ce groupe-là parce qu'il y a trop de choses à dire. Ils ont trop d'albums. Fait que je ferai pas une historique au complet parce qu'on finira jamais. Moi, je pense que le mieux serait d'aller en écouter, non? Mais c'est ça. D'ailleurs, j'ai acheté le dernier. Leur dernier album, j'arrête pas de dire le mot album depuis tantôt, qui est sorti, qui est paru mardi, qui s'appelle Paralytic Stalks. Moi et mon anglais, toujours aussi fantastique. Oui. Je l'ai pas encore beaucoup écouté, voire pas du tout, parce que j'ai trop écouté l'album de Marie-Pierre Arthur qui est sorti la même journée. C'est difficile à honte de bonne musique dans la vie. Ben, c'est ça. Donc, ce que je vais vous faire écouter, ça s'appelle Spiteful Intervention. C'est la deuxième pièce de l'album. C'est celle qui est la plus courte, finalement, donc qui va s'écouter pas mal le mieux à la radio parce qu'ils ont quand même des pièces... Si on n'est pas très attentif, ça peut avoir l'air un peu cacophonique parfois. Un peu comme du Duchess 16 tantôt, non? Dans le sens encore de plus. Beaucoup de choses qui se passent en même temps. Encore puis... plus. Ah ouais? C'est ça. Fait qu'on va écouter ça, puis je vous en reparlerai après. Parfait. Donc, la pièce Spiteful Intervention dans les consignes de Jasmine. Ça part raide. Voilà. Ça part raide. Restez concentrés. It's fucking sad that we need a tragedy to occur to gain a fresh perspective in our lives. Nothing happens for a reason. There's no point even pretending. You know the sad truth as well as I. I'll call the morning light. Sun rays bring my paranoia. I can't function unless I'm the only one awake. Conversation that fucking Voilà, c'était donc Of Montreal avec Spiteful Intervention. Et que oui. Ouais. Donc, on espère que vous avez aimé ça. Moi, je les aime beaucoup. Oui, mais je vais devoir m'habituer. Tu m'as dit que c'est certain que je vais aimer ça éventuellement. Donc, c'est ma mission. Moi, au début, je trippais pas tant que ça. Là. Mm-hmm. En fait, même l'album qui est paru avant hier, comme je disais, je l'ai pas tant écouté que ça encore. Puis, on dirait qu'avec eux, à chaque fois qu'ils sortent un nouvel album, j'écoute le précédent. Donc, probablement que je vais plus l'écouter dans 2 ans, dans 2-3 ans, mais qu'il en sorte un autre. Mais en ce moment, justement, j'ai recommencé à écouter False Priest, qui est le dernier album, qui ben, l'avant-dernier, qui est paru il y a à peu près 2 ans. Là. OK. Voilà, c'est okay. Ça. Donc, je vais vous faire ensuite écouter une pièce tirée du premier album que j'ai écouté quand je les ai découverts. Ça fait peut-être 4-5 ans. Là. C'est un album qui est sorti en 2007, qui s'appelle I Sing Fauna, Are You the Destroyer? Ils ont tout le temps des. Comme je disais à Mathieu tantôt, ils ont tout le temps des titres imprononçables. De pièces imprononçables comme celle qui va suivre. Que, tu sais, quand t'écoutes ta tune dans iTunes, ben, elle finit par 3 petits points. Ça rentre pas. Parce que ça rentre pas, parce que ça n'a pas rapport. Donc, voilà, cet album-là, sur lequel se trouve la prochaine pièce, a l'air quand même très joyeux, là, vous allez le remarquer, mais c'est l'album le plus introspectif qui parle d'isolement, de dépression, de suicide, tout ça, parce que c'est des problèmes qui ont affecté et qui affectent peut-être encore aujourd'hui Kevin Barnes. Mais voilà, ça paraît pas, parce que je sais pas s'il y a des gens qui écoutent qui ont déjà vu le groupe en spectacle, mais c'est vraiment très théâtral, ils ont beaucoup, c'est super coloré, ils ont tout le temps des ballons qui lancent partout, des costumes, ils dansent, ils font plein de truc joyeux, mais l'album ne l'est pas. Ah! Voilà. Ouais. Donc, c'est ça. Est-ce que tu te risques pour la prononciation de la pièce? C'est impossible. Il a fallu que je l'épelle à Mathieu pour qu'il la trouve. C'est ridicule. D'ailleurs, il faut que je clique 2 fois dessus pour avoir le titre au complet, là, parce que c'est trop long. Donc, la prochaine pièce est Heimdall's Gate. On sait pas comment ça se prononce. Non. Like a Promethean Curse. Wow. Mais c'est impossible. Là. Je l'ai écouté à maintes reprises cet album, mais je ne connais pas encore les titres par cœur parce que c'est trop compliqué. On parle toujours de Of Montreal dans les comptines de Jasmine. Il faut arrêter de parler parce que ça commence très fort. Très fort. Je peux pas continuer là, garçon. Ouais. Diego. Ouais, si je parle là, mettons, on m'entend plus bientôt. Là, hein? I'm in a crisis. I need help. Come on, mood shift, shift back to good again. Come on, mood shift, shift back to good again. Come on, be a friend. Succeeds. Quel chant, là. T'as le talent, ah oui. On le sait. Petite chanteuse. Ouais. Petite chanteuse. J'apprenais ça dans la chorale. Ah, pas vrai? Non. Mais c'est la fin des comptines. Bye, Colin. Mais je vais vous revenir avec des chansons de Montreal à un autre moment donné dans une chronique, un mercredi matin. Oui, il le faut. Pour faire écouter peut-être des débuts du groupe. Mais ils ont changé beaucoup de style à chaque CD. C'est méconnaissable. Mm-hmm. J'en ai fait écouter à Mathieu. Il le confirme. Oui, c'est bien vrai. Voilà. À Montréal avec deux pièces dans les comptines de Jasmine à toutes les deux semaines. Et puis l'autre semaine, là, qui n'est pas la tienne, c'est celle de Justine et ses tartines. Ses tartines. Tout rime. Quand ça rime, c'est vrai. Des tartines, des comptines. Miam, miam, miam, miam. Voilà. Alors, on est rendu aux positions numéro 11 des Palmarès C'est fou pour cette semaine. Du côté anglophone, ce sera Wilco avec Dawn On Me qui descend de la 7e place. Et du côté franco, Monogrenade avec De Toute Façon qui descend de 7 places. On écoute ça, on parlera C'est fou, un condensé de la moi, meilleure ma musique que C'est fou à vous offrir au bout après, hein? C'est ma préf de l'album pour vrai. Hey, ça va devenir comme le cri au loup, le petit garçon qui crie au loup. Non, mais c'est ma préf de l'album. Ah. On l'écoute. Thank you. numéro 11. I've been young, I've been old, I've been hurt and consoled. Heart of coal, heart of gold, so I've told. I've been lost, I've been found, I've been taken by the sound. Go et Dawn on Me, position numéro 11, ça descend de 4 places du côté anglophone. Du côté francophone, c'était Mono Grenade avec De toute façon qui descend de 7 places et qui est là depuis 5 semaines. Tout à fait. Tantôt, on va entendre les positions numéro 11, ça s'en vient dans quelques instants, mais avant ça. 11 on, hein? 10. Est-ce que c'est 10? On va être rendu à 10. Tout à fait raison. Ah, c'est oui. 10. Ben oui, quand même. Hein? Avec les feuilles droites dans la vie. Il suit pas. Ouais. Je te mettais dans la face de même. Ah, ben oui, c'est droit. Ah. M'a caché ça. C'est qu'on vient. Ouais. Bye. Bye. À tout de suite, là. Oui. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Love. Oh. Oh. Toujours en palmarès, c'est fou, 89.fm. On est rebelles aujourd'hui deux fois dans la même émission jusqu'à maintenant qu'on revient d'une pause en parlant. On fait jamais ça. On fait jamais ça? Party pogné. Mais on parle tout le temps. Ouais, on parle tout le temps, c'est vrai. Justement, fait que... Disons-le, là. Fait que j'ai rajouté une fois de plus qu'on parle dans l'émission, tu sais, oui. Où on devrait pas. Mais oui. Et c'est ça. Ça fait comme plus vivant, tu sais, parce que sinon, quatre pièces sans parler, c'est comment? C'est comme bof-bof, là. Moi, je trouve ça relaxant, même temps de pas m'entendre pendant quatre chansons. Moi aussi, je trouve ça bien relaxant de pas t'entendre. C'est pas vrai. Ben, supplé ça à la pièce, hein? C'est pas vrai. Annonce-la donc, on va. Love. J'aime ça, ce petit fond-là. Galaxie. I'm never gonna be without you. Topping off and filling with hot tea. is. Think about it, what you gonna tell your boss? Think about it, what you gonna tell your boss? Think about it, what you gonna tell your boss? Think about it, what you gonna tell your boss? And get lost. I just don't wanna get lost. I just don't wanna get lost. I wanna get lost. I just don't wanna get lost. I just don't wanna get lost. I just don't wanna get lost. I wanna get lost. I just don't wanna get lost. I just don't wanna get lost. All I know, c'est pas diable, mais c'est tout pas diable. C'est l'axe, félicite-moi, il n'ose pas le dénonce. Cours, ma mielou, n'ose pas le dénonce. On verra, avant de guérir l'ose. Toute la nuit. Elle va aller me perdre toute la nuit. Non, ça la voix moins mélodieuse, c'est Tom Waits. Merci, moi, c'est ça, mais en français. Hein. J'avoue que si c'était quelqu'un qui chantait en français avec cette voix-là, il aurait l'air d'un gars assis sur un coin de rue en train de... Ah, moi, je l'aime. Ah, oui. Tu peux pas parler contre mon Tom. Je parle pas contre. C'est juste comparaison. Mon Tom. Un de tes brefs. On parlait de gens qui coupent les mots avant la fin. Là. On apprécie ça particulièrement, je pense. Moi, j'aime vraiment ça. C'est parf. Mais ça, j'aime moins ça. Non, c'est parf. Mais faut. Non, j'ai. Comment? Je t'expliquerai ma théorie, mais je pense qu'il faut comme dire le mot complet dans une phrase, puis quand on le répète dans une phrase suivante, on peut le couper. Parce que sinon, les gens comprennent non, pas nécessairement. Non, c'est pas ce qu'on parle. Mais quand tu parles de ton préf, tu dis pas si c'était ton préféré avant. Non, ah, mais là, tu sais... C'est un peu évident, ça, là. On sait que quand on dit préf, ça va finir par errer. Mais tu sais, tantôt, tu disais j'adore, jade, bof. Là. Jade, jado? Oh. Non? Ouais. En tout cas. Faut comprendre bien des choses. Bref, hein? Oui. Je tiens à m'excuser de mon erreur tout à l'heure. C'était quoi ton erreur? Mon erreur, j'ai oublié de dire ce qu'on allait écouter, hein? Galaxy! Oui. Avec Mélodie Mécanique en 10e place. J'ai oublié de le dire, je comprenais pas ce que tu me disais. C'est pas grave, on parle trop vite, nos bouches et nos cerveaux ne sont pas nécessairement synchronisés, c'est correct. Des fois ça fit, mais. Du côté anglophone, on a entendu donc Tom Waits avec Get Lost qui monte de 3 places. Voilà, pour les 9e places maintenant, on va entendre du côté anglo Jane's Addiction avec Curiosity Kill, ça monte de 9 places. Et du côté francophone, les Dale Howard Chuck avec Roman Coke. Oui. Qui monte de 9 places. Et restez là parce que dans à peu près une demi-heure, vous allez avoir besoin de votre Roman Coke pour trouver les instants classiques drôles. T'sais. Donc, commencez à boire tout de suite. Tu comprends pas, des fois. Moi? Ouais. Mais non, mais. C'est plus Justine, hein? Ouais, parce que moi, je suis là souvent le matin. Mais je suis pas là souvent le matin, mais c'est sûr. En tout cas, hein. J'y comprends. C'est ça. Contrairement okay. à toi en ce moment. Je suis pas très cohérente. C'est ça. Voilà. Ouais. Hein? Ah ouais. Roman Coke, est-ce que ça va? Ouais, c'est bien, là. D'autoparmère assez faux, 89 FM. En train de siroter un Roman Coke. Mais c'est pas bon, ça, d'ailleurs. Moi, j'aime pas tant ça. Je retrouve la force pour nous y ramener. numéro 9. Curiosity Kills, c'était Jane's Addiction sur leur album The Great Escape Artist et ça monte de 9 places en 9e position. Et avant, du côté francophone, on a entendu Roman Coke des Delaware Chuck qui monte de 9 places. Pas notre préf des Delaware Chuck? Non. Genre? Ben, mais en fait, bon. Comme je disais, il y a tout le temps une toune sur deux sur laquelle je trippe vraiment là, de eux, mais les autres, j'aime pas que j'aime pas, là, mais qui me restent plus froides un peu. Voilà. Tout à fait. Du côté des huitièmes places, maintenant, on va aller entendre East Road, une formation locale du côté anglophone avec A Long Way To Go. Eux qu'on avait en entrevue à Assemblage Requis récemment. Pour vrai? C'est vrai. Avec une performance. C'était cœur à la performance live. Wow! Pourquoi vous avez pas fait ça mon matin, hein? Parce qu'on choisit pas le matin. Ah, hein? Mais je les aime. C'est ça. Bon, hein? Pour des francophones, mal à jupe. Oui. Avec l'excellente radiologie. Une de nos prefs, celle-là, dans ce cas-ci. Une de nos prefs. Ouais. C'est toutes mes prefs. Ouais. Il y a la bombe de 6 places. Cool. Oui. Ben, si on écoute ça, là. Allez, tout de suite. OK. J'ai la ferme. On va en rester fou au 89 FM. you're still alive. When the light of day turns into darkness, I sit by the fire and give my mind a ray. Still a long way to go to reach the goals of my life. My dreams for tomorrow, it is slowly dying. Still a long way to go to reach the goals of my life. I'm keeping my dreams for tomorrow. Strode avec A Long Way To Go, position numéro 8, ça monte de 6 places, formation locale. Et nous avions aussi Mal à Jupe avec Radiologie qui a monté de 6 places et qui est là depuis 3 semaines. Tout à fait. Et avant de continuer, j'avais envie de te faire entendre un petit peu un extrait de Eastroke, qui est en entrevue à son âge requis récemment, ici même dans nos studios en début de semaine. Et puis le gars a fait une performance musicale, juste un extrait. So fast, summer it is nearly gone. Wish you could have left, but joy, joy, joy, joy doesn't live, it don't live in the past. Très, très bon. Et évidemment, cette entrevue-là, comme on le fait à Assemblage Requis, Assemblage Requis est une des quotidiennes de C'est Fou. Ça va probablement être dans les meilleurs moments, ce qu'on appelle le meilleur de C'est Fou. C'est les vendredis matin à 6h et les samedis à midi. J'aime ça. C'est vraiment très, très bon. Moi, sa voix me fait vraiment penser à chaque fois que je l'ai entendu, là, un peu à, dans le même genre que Patrick Watson. Le même genre de voix un peu. Tu vois, j'ai eu la même réflexion quand j'ai entendu. Patrick Watson, on a hâte à son nouvel album. Fin de la parenthèse. Et lui, le gars de Eastroke, c'est Jean-Michel. Jean-Michel Renaud. Renaud. C'est ça, exactement. Renaud. Tout à fait raison. Voilà pour ça, on va entendre évidemment la fin de cette chanson-là. Et après ça, les prochaines positions, c'est-à-dire les septièmes du côté anglo, c'est The Kooks avec Junk of the Heart, entre parenthèses, Happy. Du côté franco, David Giguère, que j'ai bien hâte d'entendre, que je n'ai jamais entendu, avec la pièce Encore qui monte de 10 places. On écoute ça dans quelques secondes, juste après, après cette ça. Fin de Eastroke. The sun was shining, sparkling on the way. I couldn't let him go away. Well, you love your sweet love. Yes, it follows me day after day. Entre l'été et l'automne, prison de mœurs et des amours, téléphone. Et puis elle joue, et puis me dit joue, et à son jeu j'ai tout perdu. Mais moi je m'en fous car sous sa robe se cache une issue. Alors je prendrai mon temps, encore du temps,

wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive at night. I wanna make you happy. The Cooks, c'est Junk of the Heart, Happy, ça monte d'une place et c'est en septième position anglophone. Et avant, c'était David Giger avec Encore qui monte de 10 places et qui en était à sa deuxième semaine. Oh là, mais là, là, là, là. Hein? Ça descend, ça? Ça t'as dit? J'ai dit ça descend, ça monte. OK, ah, ça monte. Ça descend? Est-ce que, je vous ai dit que mes calculs mentaux, c'était pas évident. Ouais. Mais non, ça monte. Ça monte dans ta barouette, là. Je suis plus sûr, en fait, c'est ce que t'avais dit. C'était sûr moi qui mérite. Ça, sûr, ouais. En tout cas, mais parlant de t'as mentionné le mot... Monter. Moi, je mentionne le mot manteau de froid des Breastfeeders tantôt. Ben oui, on va écouter ça. On va aussi entendre The Pack 80, Marie-Pierre Arthur, Le Grand Nord et The Bar Brothers, mais pour l'instant, c'est la fin de la deuxième heure. Tantôt, les instants classiques d'assemblage requis. Oui. Tu sais, c'est excitant. On dirait que t'allais me faire une annonce là, incroyable. Mais de c'est ça. Voyons. Hey, et franchement, oui. C'est ça. On les attend. Tu fais comme tu minimises beaucoup trop là, l'excitation, le niveau d'excitation des instants. Attends, ton émotion n'était pas. En tout cas, ton émotion n'était pas à bonne place dans la phrase, on dirait. Est-ce que. Je pense que j'ai pas d'émotion. Je pense que je suis un robot. C'est ça. Restez là. Vous êtes assez fous. C'est la troisième et dernière heure des Palmarès, c'est fou. Oui, c'est pas l'intro que j'utilise d'habitude en retour de troisième heure. Je sais. Désolé. Donc, troisième heure des Palmarès, c'est fou pour la semaine du 6 au 12 février 2012. Moi, c'est toujours Mathieu Plante. Ben, moi, c'est encore Jasmine Raymond-Drainville. Et pas assez pompé, cette intro-là. C'est la chanson de fin d'heure. Je sais pas si vous avez remarqué. Là. Ouais. Subtil de même dans mes gaffes. Hein, j'explique toute la gaffe au complet. Ben, c'est ça, tu vas être sûr qu'on s'en rende compte. Mais j'aime ça, c'est le fun. Donc, sixième position du côté anglophone, c'est on saute par-dessus Hani El-Khatib avec Build, Destroy, Rebuild qui est stable. Et du côté francophone, comme Mathieu l'a mentionné, ce sera les Breastfeeders avec Manteau de froid qui reste en sixième place. Et après ça, ben, ce sera les cinquièmes. Et après ça, on revient avec les instants classiques d'assemblage requis. Oh oui! Oui. Tu vois, là, t'avais l'air excité, là, c'était correct. Wouhou! C'est ça. Yeah! Aïe! Ta mère se déchaîne dans ma vie. Mes mots sont des rubans de soie. Quand le fracas se déclare sous ma barre, j'étends un grand manteau de froid. Je saupoudre de sucre glace. Ne l'attends pas, 5. Par The Pack 80 en position numéro 5, ça descend de 3 places. Et du côté francophone, on a entendu Marie-Pierre Arthur en 5e position avec la pièce Fil de soie de son nouvel album qui est paru mardi. Exactement, on a sauté par-dessus Aniel Katib avec Build, Destroy, Rebuild en 6e place stable. Mais on a entendu les Breastfeeders avec Manteau de froid qui reste en 6e place. Et la raison que tout a l'air si mort en ce moment et qu'on n'a pas de fond derrière nous, on est très très calme, on est zen, c'est parce qu'on veut se concentrer, parce qu'il faut écouter ensemble les meilleurs moments d'assemblage requis. Et pour avoir le contexte de la chose, il faut écouter du début à la fin. Parce que c'est comme un genre de scénario là-dedans. Mais c'est plus drôle quand on comprend pas le contexte. Parfois. Mettons. En fait, c'est rarement drôle parce que c'est moi, donc je trouve pas ça drôle. Mais quand même, mettons, c'est comme essayer d'être humble tout en étant comme... Ouais. J'ai fait le montage moi-même de tout ça et puis je trouve ça drôle. T'as l'air surpris, tu sais. C'est ça. Oh, attention, c'est les instants classiques. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 6 février 2012. Girls Light Anthem. Ben oui. Groupe que j'affectionne particulièrement. Oh, c'est cute de voir ça. J'aime ça. T'es romantique. Oh, Monsieur Benoît Boutet-Marino, qui est nageur. Est-ce que t'as vu le célèbre jeu de mots dans le titre de l'article? Place à la vague, Marino. Pis c'est un gars natation, puis le nom du gars, c'est Marino. Moi, j'aurais dit, comme un poisson dans la Marino. Marine O. Du grand Mathieu Plante. Merci. Juste pour vous, chers auditeurs. Cadeau. Et après ça, on parle avec quelqu'un du groupe East Road. On va les entendre jouer. Il y a mis sa guitare, je l'ai vu. Dur à cacher. En même temps, studio très petit. Ça, on l'a vu. Mathieu Plante de grands yeux. Grands yeux. brun. Et ça te brasse la cabane dans le camarade. Dans le camarade. Brasse camarade dans la cabane. Brasse cabane dans le camarade. Marie-Pierre, la Forge Bourrin. Merci, Mappy Lafbo. Quoi? Mm-hmm. Je prends les premières syllabes de chacun de ces noms. Oh! Hein? Tu fais bien de mentionner. Mappy Lafbo. Mappy Lafbo. Laisse donc faire. Bon. Les noms de villes les plus bizarres aux États-Unis. Toad Sock ou Suçage de crapaud. Toad Sock. C'est la ville en Arkansas. J'aime bien quand tu dis Suçage de crapaud, Mathieu. Oui, ben ça me fait plaisir de traduire ça. C'est à l'oreille. Moi, c'est vraiment les raisins. Tu sais, les petites boîtes rouges, là. On dirait que j'en ai comme trop mangé quand j'étais jeune. Et puis là, j'ai une 47. Et ça dure, hein. Ben ça aiderait à ta digestion. Ah ouais? Des raisins, ah ouais? Ça doit être comme des prunes. C'est quoi ce move-là, Mathieu? C'est par en bas. Ouais, ça pousse par en bas. T'en as besoin. Par en bas. À deux mains. À deux mains. C'est comme pousser la dedans et moule café. Est-ce que tu donnes les expressions faciales, les émotions qu'on veut, juste qu'on sait jamais? Ouais, vraiment. Ouais. C'est quoi le cri d'une Anne-Julie Durocher, mettons? Elle est. C'est quelque chose qui s'apprête à chioler avec une voix d'enfant. Et quand qui s'apprête à chioler, c'est fin. Hey, tantôt, on va revenir avec Anne-Julie, puis on va faire sa chanson thème avec nos instruments. Hein. C'est décidé, ça, je pense? Oui. Anne-Julie, donc la flûte. Jasmine est au xylophone. François? Tambourine. Tambourine. Et les 25, je suis de l'amour. Moi, je vais y aller avec mes talents d'improvisateur. Hey, on veut un rap. Un rap? Ouais. 1, 2, 3, 4. J'ai c'est de la place qui défend des affaires dans tes affaires, parce qu'ils s'occupent de tes affaires. Puis si tu veux pas te mêler de tes affaires, faut que t'ailles à la G-E-Q-T-R. Pro! On en fait-tu plusieurs prises? Oui, on peut en faire une autre, mais on en a inventé d'autres. Okay. 1, 2, 3, 4. A-G-E-Q-T-R, A-G-E-Q-T-R, A-G-E-Q-T-R, A-G-E-Q-T-R, peu importe ton âge, tu t'en vas à la G-E-Q-T-R, parce que la G-E-Q-T-R, ça a pas d'âge, yo. Pro! Je trouve que c'est parfait. Pas pire, hein? On reviendra peut-être à l'ancien thème si. On en fera d'autres. On reviendra, oui, à l'ancien thème. On peut changer, ouais, tout le temps, hein, c'est ben ça? Ben oui. C'est agréable. C'est un beau moment. Beau moment. Ou sinon, malaise. Moi, oh, ça met quand même de bonne humeur et t'as de la difficulté à pas taper du pied. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu me mets au défi? Ouais, donc. Oh non! Oh non! Mon pied! Échoué. On va y aller avec du divertissement, hein? C'est un peu ça qu'on veut faire le matin, vous divertir. Allons-y! Ah, là, là, là, là. Allons-y maintenant. Danse. C'est pas une petite danse avec moi? C'est tout ce que je veux faire, là. Bravo! Ouh. Ça a l'air bon, hein? Mmh. Oui, non, ok, j'arrête de faire des sons comme ça, c'est carré. Tu m'as presque excité. confidence au micro ce matin. Tu me disais tantôt? Que tu m'excitais. Ouais, c'est ça. T'avais une voix. C'est encore le cas ou? Non, là, ça va. Ça a passé. C'est calmé, c'est normal avec le temps, c'est ce que j'entends. Bon, ça, la routine s'est installée. Ouais. C'est le mariage. C'est le mariage. On aurait pas dû marier. C'est l'habitude. T'allumes avec Jasmine Raymond Drainville. Il lui a fait dire que son gruau est liquide, donc tu y parleras de ça. Je teste le gruau. Ah oui. Mais c'est plein de fibres. C'est bon contre le cholestérol et les fibres. Mange des Cheerios et du yogourt à place. Hey, Cheerios, il y a trop de sucre. T'es comme pas supposé avoir autant de sucre dans un bol de sucre. Prends pas au bien les noix, hein? Ah, ouais. Bien sûr, ça va. Bien sûr. Ouais. Des spaghettis, des fibres aussi. Et moi, bon, faut que j'y aille. François. À la prochaine. Ah, aux toilettes, justement. Oh. Il est régulier à 9h. Depuis toujours. Je le sais, je le vois pas. Moi, jusqu'à maintenant, une de mes semaines préférées en termes d'instant classique. Je vais vous faire un suivi de mon gruau, finalement. Je ne l'ai pas terminé. Il était tellement liquide, là. Oh. C'est ça. Non, c'est ma sorte préférée, mais... C'est quoi ta sorte préférée? Ben, c'est celui aux petits fruits. Ah, pour vrai? Moi, j'aime bien pêche et crème. C'est le seul gruau que j'aime. Je suis pas capable de manger du gruau, mais pêche et crème, je trouve pas ça. Ah, nos petits fruits, là. Il y en a des nouveaux, là, aussi. Hey, moi, j'aime ça, le gruau. Avec des noix dedans, mettons, banane et noix, puis canneberge amande, là. Mm-hmm. C'est super bon. Ouais. C'est fait ça. Que le moment que tu as retenu dans ces moments-là, c'est toi et ton gruau. Alors que moi, c'est plus la chanson thème d'Anne-Julie. Elle est merveilleuse. Moi, le cri d'Anne-Julie aussi. Oui. Je suis quand même fière de. Comme un an, là. Non, pas tant que ça. Non? Non. Plus. Anne-Julie a fait ça. Ah, ça la rend tellement attachante. Ben, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais maintenant, il y a une belle chanson thème. Vous allez l'entendre une fois montée et enrobée autour d'une espèce de gruau. je dirais, musicale. Pas trop liquide, parce que ça tiendra pas. C'est pas mal liquide, en fait, je trouve, ce qu'on a fait, mais... Ouais. Vous allez voir ça mercredi. En fait, vous allez l'entendre. Une chance que vous voyez pas ça, parce que moi, en train de chanter, c'est pas très beau, hein, ça. J'étais trop concentré sur mon xylophone, je pourrais pas dire. Tu me déçois. Ben, non. Ah. En tout cas, m'a tellement à la faire jouer à chaque semaine que vous allez finir par connaître les paroles, comme celle de la chanson. La mienne, je l'aime tellement, là. C'est la Jasmine, c'est quoi déjà? C'est la chronique linguistique à Jasmine. La chronique linguistique à Jasmine. Jasmine, elle nous parle de langue avec sa langue dans sa bouche. Tadadapapapap. C'est pas. Oui. J'en invente d'autres dans le bureau avec Danny. Il l'enregistre pas. Faudrait qu'il enregistre toutes nos conversations pour pouvoir avoir toutes mes chansons que j'invente. Contente de ne pas travailler dans ce bureau-là. Voilà, ouais. On est rendu aux positions numéro 4. Du côté anglophone, c'est The Bar Brothers avec Give the Devil Back His Heart. C'est l'ancien numéro 1. Et du côté francophone, Le Grand Nord avec Fille de Feu, l'ancien numéro 1 aussi, qui est en quatrième place maintenant. Voilà. Est-ce que ça voudrait dire qu'on a deux nouveaux numéro 1? À moins qu'il y ait une chanson qui se répète deux fois, mais je ne crois pas. C'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. À moins d'erreurs, un jour, peut-être, ça pourrait arriver. Ouais. Des fois, ça arrive des erreurs, donc. Pas mal. Oui. Le disque, je ne veux pas lire en passant, juste pour faire un genre de petit spécial derrière la caméra, derrière les microphones. Mais c'est le fun parce que, comme je disais tout à l'heure, Mathieu, à chaque fois qu'il y a une erreur ou un oubli ou quelque chose, il s'assure que tout le monde le sait et le re-sait et le re-re-sait. C'est comme quand tu lis un livre, t'sais, à un moment donné, tu t'en rendras pas compte, tu fais juste le mettre un petit post-it. Ou tu mets un post-it, tu surlignes, tu soulignes, t'encadres, t'entoures. Mais c'est parce qu'on veut s'en souvenir et tu plies coin de ces choses-là. Tu veux pas te souvenir de ça? C'est un beau moment, je trouve. Ah, ben oui. C'est un palmarès assez fou. Ouais. Moi, j'ai juste une seule larme sur le côté de la joue ici. Demi-émotion. De croire que tu tiens encore debout à part la peur de sortir à part les nuits sans dormir la fille de feu t'a brûlé le cœur. Tu t'en remets, pas la peine de compter les heures. Tu t'en remets, tu t'en remets. De tomber de haut te prend encore et si l'envie d'avoir mal te monte à la tête la fille de feu brûlera ton cœur. La fille de feu t'a brûlé le cœur. Tu t'en veux même, tu t'en veux même. We'll be right back. retour de Mar Brothers, The Cat Empire et The Mauve. The Mauve. The Mauve. C'est plus rock, hein? The Mauves. Ouais. The Mauve, ben il y a un S. Disons-le. J'aime tes liaisons, Jasmine Raymond de Drenville. Ouais. Ben, voilà. C'est là, c'est pas mal, c'est fou. Ben oui. On a rien de plus à dire. Mauve s'en vient. On est out. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Numéro 4. Give the devil back his heart. L'ancien numéro 1 anglophone, c'est Give the Devil Back His Heart de The Bar Brothers sur leur album homonyme. Et ça, ben, comme je disais, ben, ça descend de 3 places pour se positionner en 4e anglophone. Voilà. Et on a entendu aussi le Grand Nord avec Fille de Feu, qui est l'ancien numéro 1 puis qui est rendu en 4e. Ben oui. Ouais. Quand même. T'sais. C'est pas si pire. Oui. L'allure, ça. Ouais. On va écouter les 3e et 2e places ensemble. Pourquoi pas? Sauver du temps un petit peu. Allons-y. On va entendre plus tard Benoît Rochelot, Library Voices et The Cat Empire, mais on débute en 3e francophone. Avec Mauve et ma pièce préférée de l'album qui est Madeleine qui monte de 10 places. T'as réussi à ne pas dire prêt. Là, quand même. Tu trouvais que t'ambitionnais? Un petit peu. Ça fait longtemps que je trouve que t'ambitionnes. Ouais, c'est ça. Mais j'aime ça. Donc, c'est ma préférée. Elle est excellente et nous l'écoutons. On l'écoute, c'est ça? Oui, oui. C'est ça? Oui. J'essaie de nous rendre encore plus mal à l'aise. Mais je suis très difficile à malaiser, honnêtement. Pourrais? Ben oui. Ben voyons donc. Faut que j'essaie plus fort. Une autre fois. C'est juste que ça doit être plate, ça, pour ceux qui écoutent. Moi, ça me dérange pas, là. Je suis pas mal à l'aise. Oh, come on. Ils me connaissent, ils comprennent ça. Hein, les petits palmiers? Oh, c'est ma préférée. Je te pensais pas autoritaire comme ça. Madeleine, tu me fais de la peine quand tu embrasses. Les autres garçons ont fait des vrilles pour quelques billes. Oh Madeleine, tu fais ta vilaine en volant le charme des moments d'un bel été à tes côtés. As-tu pour une fois m'invité à marcher pieds nus sur le quai, loin de tous tes prétendants. Sur l'arc-en-ciel, oh Madeleine, ton bouquet verveine m'enlace en enjolant mes sens qui en néglige tes basses voltiges. Numéro 3. This is the last time I will follow you. This is the last time I will follow you at all. It's woman, you're my trouble. And woman, I've been troubled. C'est fou dans vos oreilles. Prends ton sac, on s'en va au parc. J'ai la couverte, puis mon carnet. Prends une bouteille, puis une pomme chaque. sais que c'est ton titre de chanson préféré, donc je vais te le laisser prononcer. Vas-y. Reluctant readers make reluctant lovers. Quelque chose comme ça. Oui, de Library Voices. Ouais. Yeah. C'est la position numéro 2 anglophone, ça monte d'une place, alors que du côté franco, ça a monté de 10 places. C'était bien évidemment ton ami. Benoît Rochelot, avec Vient-en. Une pomme chaque, on s'en va au parc, hein? Une pomme? Il ne parle pas de pomme. Oui, il parle de pomme. Hey, Je sais pas. Hey, écoute tes paroles, là. Tu dis que tu l'as tout en tête. Viens-t'en au parc. Non, prends ton sac, on s'en va au parc. Oui. Une pomme j'ai... sac, là. Ah ouais? Faudrait que j'analyse, hein, c'est pour le que je me la semaine prochaine là-dessus. On a tout le temps le même bout dans la tête, hein, pour vrai. C'est comme ça, les chansons, les vers d'oreille, c'est qu'on a tout le temps le même bout dans la tête. Quand on sait qu'on s'en prend au parc. Bon, ça va faire. Oui. On arrête de le dire? On arrête. Benoît Rochelot, Benny Roach. Voilà. Bon. Hein? Donc, il nous reste seulement les positions numéro 1 à entendre dans les palmarès C'est fou cette semaine. Et vous le savez tous, hein, c'est un classique. Les jeux de mots de Mathieu Plante. Si seulement on avait un intro pour ça, genre, mais on n'a pas. T'en as même pas besoin. T'en as même pas besoin. Non, parce que mes jeux de mots sont tellement bons que ça mérite. Ça n'a pas besoin d'intro. Ça gâche les grandiose, c'est ça, exactement. Voilà. Combien tu donnerais, mettons, à mes jeux de mots si j'avais jamais te demandé une note à me donner, mettons, sur mes jeux de mots? 5.0. Sur combien? Sur 5, évidemment. Sur un iceberg, hey! Je sais pas. J'essayais de trouver un lien avec. À ça veut dire 5.0 sur 20 ou sur 10, je l'aurais pas pris. Je serais parti, je t'aurais claqué à la porte d'en face. J'allais répondre sur un iceberg, étant donné que c'est le titre de l'album. D'où provient le titre 5.0? J'avoue que je me sens seul tel un gars sur un iceberg avec mes jeux de mots parce que personne ne me comprend. Mais vu que tu m'as aidé à mes jeux de mots, j'aurais pu dire, t'as dit 5.0, j'aurais pu dire, hey, wow, mais je déteins sur toi, j'ai créé un monstre. Mettons? Oui, t'aurais pu dire ça. Ça n'était pas si pire que ça. Puis après ça, tu t'aurais dit, je veux pas participer à tes jeux de mots, je vais t'étrangler, de choke. C'est ça? J'attends le reste. Caroline. Je me demande qu'est-ce que tu vas faire avec les deux autres. Vas-y. Ouais, je me sens comme craqué sous la pression des jeux de mots. Feel It Break, c'est le nom de l'album de Hush. Ouais. Avoue que c'était Hush. Le nom du groupe? Ouais, c'est ça. Ouais, j'essaie. Hush. Ok, un Australien pourrait dire c'est très très bon. Mate, tu dis ça en Australien. Mate. Je trouve que tu dis mate, c'était instantanément australien. Flop, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était ce poche. Ces jeux de mots-là étaient un flop. Avoue-le que c'était poche, comme une poche de kangourou. Ça va faire. On les écoute-tu, hein? Voici 5.0 dans Créer un monstre. Moi, somme toute, je suis quand même assez satisfait de mes jeux de mots. C'est ce qui compte, hein? Une chance qu'il y a l'important, c'est de participer. Participation? Body break, ta-da-ta-ta. Non. J'ai souvent brûlé du temps en improvisant des paroles qui chantent sur le moment. Et le vent qui déchire ma 5.0 et les chevaux sous mon capot. Je mets tout de côté pour tempérer. Je lève le son de ma radio pendant que mon pied gauche tape la et en première position. Des panoramas, c'est fou pour cette semaine, mais avant de dire le numéro 1, bien sûr, on fait un petit récap. Hein? Tu vois, j'ai coupé le mot avant la fin. Ça marche pas avec tout. C'est un running gag ou une blague à la course, hein, comme on appelle. Ouais. C'est ça. Donc, position numéro 3 du côté anglophone, c'était The Cat Empire et Waiting. En deuxième, Larry Voices et Reluctant Readers Make Reluctant Lovers. Et on vient d'entendre en première place une montée de 11 pour The Choke par Ostra sur leur album Feel It Break. Du côté francophone, en troisième position, Mauve avec Madeleine. En deuxième, Benoît Rochelot avec Vient-en. Et finalement, la pièce 5.0 en première place de On a créé un monstre. Et voilà pour vos panoramas fous de la semaine du 6 au 12 février 2012. 12. Avant de se quitter, je sais que je n'y ai pas demandé à l'avance, puis que j'aurais peut-être fait, là, au moins, j'essaie de parler pendant 2-3 secondes pour lui dire, puis elle n'écoute pas pantoute, que DJ Catardi est en studio avec nous. Youpi, gros party pogné. Je voulais juste lui demander de parler oui, dans le micro pour lui demander qu'est-ce que ça en va faire à notre émission, parce qu'à un moment donné, c'est une nouvelle chroniqueuse, donc hein, faut l'apprivoiser un petit peu. T'as un chat. On m'entend? Ouais. Ouais, c'est bon. OK, bon, ben, moi, ma prochaine chronique, ça ouais. va être rien de moins que l'excellence. OK, ah, tu vises quand même le sommet, hein? C'est ça. L'excellence pour les oreilles, mais aussi pour ton cœur. Je veux vraiment aller envelopper vos âmes d'un baume de chaleur intense, puis. Espérons que vous allez aimer ça, parce que moi, je vais avoir bien du fun. Tu sais, puis c'est ça l'important. Si t'as du fun, tout le monde a du fun. C'est fun ça. Fun plus fun equals full fun. Mais je garde le mystère autour de toutes les activités qui vont se passer dans ma chronique, parce que je le sais pas encore moi-même. Ah, ben quand même. En fait, j'ai pas mis le doigt exactement sur le créneau de qu'est-ce que je veux faire, mais j'ai une très bonne idée. Donc, dans le doute, ben on s'abstient. Okay. Puis, mais c'est sûr que ça va parler de musique. Puis peut-être d'événements. En plus. Entre Montréal puis Québec, étant donné qu'on est à Trois-Rivières, ben faut bien profiter du fait qu'on est dans un trou entre les deux. Bien dit quand même, hein. L'image est belle. C'est un début. T'as mis le doigt dans le trou de Trois-Rivières. Ouais, non, ça te fait confortable, ça. Ouais, je vais t'avouer que je me dis que l'année va être longue, mais bon, c'est correct. C'est elle qui s'est proposée de faire une chronique. Moi, j'ai même pas demandé. On m'a dit, hey, il y a quelqu'un qui voudrait faire une chronique. V'là, DJ Catardi. Puis moi, je me suis dit, Kat, sûrement Kat, ça veut dire Catherine. Ça pourrait vouloir dire Kathleen aussi, on sait pas. Ça. Mais c'est Catherine. Oui, c'est exact. C'est exact. Je suis content de t'avoir amené en onde, puis après ça, de t'avoir complètement défait ton intervention. Je trouve que ça a eu vraiment du sens. On s'est dit tout mal écrit par Mathieu. Ben, en fait, c'est qu'il y a, il y a vraiment quelque chose de différent entre entendre le malaise à la radio de ta voiture, mettons, puis le vivre en studio, je suis complètement démunie. Ça déboussole, c'est ça l'affaire, ça déboussole. C'est ça. Il y a comme un aura de... Ou un ostra, t'aurais pu faire un jeu de mots avec... Tantôt, t'as trouvé un jeu de mots pas pire, par contre, hein? On jouait du ostrot, on a parlé de kangourou, je sais pas trop pourquoi, par rapport à l'Australie, et t'as dit... Ostrich, arrête de te mettre dans la tête dans le sable, tes jeux de mots sont pourris. J'adore ça. C'est parfait. Ah, oh, je l'aime. On l'engage? Ah oui. Ouais, on l'apprend à partir de dans quelques semaines? Slash, on verra. Et puis... Oui, il reste juste à ce que le boss me paye une petite vignette de stationnement, puis tigidou. Ah ouais, on fait ça, disons? Non. Non? Mais moi, j'ai quand même beaucoup de pouvoir. Du charme. Du charme et une grande gueule. Et il paraît que c'est ce qu'il faut pour animer une chronique à la radio. Et pour avoir une vignette de stationnement. Ben, écoute, je garantis pas que ça va marcher, là, mais on l'espère, on me le souhaite. Je te souhaite beaucoup. DJ Catardi, à partir de dehors bientôt, ici dans les Palmeras. C'est fou avec sa chronique, c'est comment t'appelais ça? Eh ben, c'est encore sur la glace, ouais. Mais j'ai l'intention de peut-être appeler ça 7 milliards de party animals refoulés. C'est ce que nous sommes. Ouais. Super, hein? Laissons la bête s'évader un peu de son cachot. There's a she-wolf in the closet, comme dit Shakira. Oh, j'adore ça. Bon. C'est ça. C'est super. Je sais pas quoi dire de plus. Ben, profitons de ce moment pour clore la discussion. Un petit moment de silence complet, genre, mettons. Pour Malcolm X? Pour Malcolm X, oui, tout à fait. Ou pour Martin le malaise. Luther King aussi, Martin Luther King. Pour tout le monde. Gandhi. Gandhi. Bon, ben. Hein? Ben, écoutons, ouais. C'est ça. Budget Catardi, au Palmeras, c'est fou. Ben oui. Nous, on se quitte, on se retrouve jeudi prochain entre 14h et 17h pour une autre nouvelle édition. On repasse aussi, en passant avant ça, je vais vous dire qu'à 18h, c'est Mathieu Leblanc-Houle avec la spirale qui s'en vient. Il est très bon, il est très indie. On aime les indies. Très sympathique. Parfait. Ensuite, on joue les vendredis à 17h jusqu'à 20h et les lundis entre 13h et 16h. Après nous, ce sera les ladies du boudoir avec leur musique émergente. Allez voir le cif.ca pour la programmation et assemblagerequis.com pour les liens de l'émission et les balado-diffusions. On se quitte comme ça. Merci, Jasmine. Merci, Mathieu. Merci à François-Olivier Marchand pour ses meilleurs moments d'assemblage requis. Merci à moi-même, sûrement, bien sûr. À DJ Catardi qui, je veux dire, à un moment donné. Mais je te l'ai dit, merci à toi. Parenthèse, là. Tu m'écoutes pas. Non, c'est ça. Ah, tu merci. Ben oui, j'ai dit merci, Mathieu Plante. Parce que j'ai l'air d'un gars qui écoute. Non, ça, j'ai l'air d'un gars déconcentré. Merci, Mathieu Plante. OK. Bon, ben, bonne fin de journée à tous.